plus loin, un écran sert de tour de contrôle énergétique en temps réel s'affiche, les données relatives au chauffage, à la consommation d'électricité ou d'eau. C'est à distance, à l'aide d'un interrupteur portable, sans pile et sans fil, que l'on règle en douceur les lumières. Le plan de travail de la cuisine est trop haut, une pression sur un bouton et il s'adapte au gabarit du cuistot. Customisable, connecté, la maison Smart intègre régulièrement les dernières découvertes des ingénieurs du CRU, pour des démonstrations. De même, avec l'allongement de la durée de vie, les établissements adaptés aux seniors devraient se multiplier. À quoi ressemblera la maison de retraite du futur? Les signaux faibles de 2013 nous renseignent, et EDF Pulse en déduit trois scénarios. Avant de couler des jours heureux à jouer à la belote avec des amis au minimum octogénaires, encore faut-il savoir dans quel habitat nous vivrons. Trois possibilités se présentent et font l'objet d'expériences en Suisse, en France et au Japon. Dans le modèle de village vintage, on tente de convoquer le passé pour que l'ancien retrouve ses anciennes habitudes. Ainsi, en Suisse, des promoteurs souhaitent lancer la construction d'un village de 23 maisons dans le plus pur style des années 1950. Il pourra accueillir 150 malades atteints d'Alzheimer. L'expérience fait débat chez les gériatres, mais elle n'est pas nouvelle. Aux Pays-Bas, dans la banlieue d'Amsterdam, des patients paient 5 000 euros par mois pour vivre dans une fausse atmosphère des 50s. Cette consommation par génération, nostalgique par nature, est devenue une vraie tendance populaire. Les résidences pour personnes âgées manquent d'un petit quelque chose, le charme de la nostalgie. Cette consommation par génération, nostalgique par nature, est devenue une vraie tendance populaire, comme en témoigne le succès de la culture vintage. Une étude de l'université de Iowa a démontré que la pratique de jeux vidéo chez les plus de 50 ans retarde le vieillissement de manière spectaculaire en une année, on gagnerait entre 3 et 4 ans d'âge cérébral. L'expérience est de mettre dans le bain technologique les pensionnaires. Ainsi, dans la maison de retraite Henri IV de Toulouse, les séances de Wii, la console de jeux de Nintendo, ont remplacé celle de tricot. Avec une moyenne d'âge de 87 ans, les seniors sont impatients de se mesurer au Wii tennis et autres Wii bowling. La domotique incarne la chance offerte par la technologie de dépasser ses nouveaux handicaps. On sera peut-être plus connecté dans ses vieilles années que dans sa jeunesse. Amusant paradoxe. Dans la vision d'une maison anti-ergonomique, on peut considérer que mener une vie trop assistée technologiquement, c'est ne pas pousser le corps à vivre, et le laisser lentement déchoir. L'artiste et architecte nippon Shuseku Aragawa, est responsable dans la banlieue de Tokyo du premier complexe, de maisons volontairement inconfortables. Construites il y a 5 ans, ces maisons, qui semblent tout droit sorties des barbes à papa, sont conçues pour dérouter les locataires et les maintenir en éveil. Au Japon, il existe des maisons de retraite spécialement pensées pour stimuler l'attention des seniors. À côté de ces avancées, somme toute utiles pour l'humanité et pour le bien vivre. Après le cœur artificiel, il se murmure que c'est au tour du cerveau de quitter le monde organique pour rejoindre celui de l'artifice. Le cerveau pourrait être composé de neurones en nanotubes de carbone, selon des chercheurs américains. À la tête de ce projet, les professeurs Alice Parker et Chung-Yu Zhu, spécialisés en génie électrique à l'Université de Californie du Sud. Ils sont parvenus à fabriquer une synapse, zone de contact entre deux neurones, fonctionnant grâce à des nanotubes de carbone, réalisant une avancée significative dans l'utilisation des nanotechnologies pour la construction d'un cerveau synthétique. Pour atteindre ce résultat, qui pourrait révolutionner la science en général en offrant une seconde vie à tous ceux victimes de dommages cérébraux, un cerveau artificiel en 2050. Mais cette trouvaille n'est que la première étape d'un long processus de recherche et de test. Si les scientifiques sont parvenus à construire un circuit pouvant agir comme un neurone, une question de taille demeure, comment réaliser des structures indépendantes de ces circuits qui imiteraient le fonctionnement du cerveau ? Celui-ci possède 100 milliards de neurones et 10 000 synapses par neurone. Selon les chercheurs, il faudra encore certainement plusieurs décennies avant de parvenir à développer un cerveau de synthèse ou même seulement une zone du cerveau fonctionnant de façon artificielle. Le but du jeu, à terme, serait bien sûr de rendre cette exacte copie de notre bon vieux cerveau plus puissante et plus intelligente. Alors certes, le cerveau artificiel, ce n'est pas pour demain, mais une chose est sûre, avec ce genre de découverte, la voie de l'intelligence artificielle est ouverte et passera certainement par la prothèse nanotechnologique. À la clé, la guérison de traumatismes ou de troubles cérébraux. Vivement demain!